Merci beaucoup à vous. Je suis vraiment contente et émue d'être là avec vous, avec Yvonne, Michel, Jean-Paul Fargier, Vidéo Cinétroc, Mick Delacour, etc., etc., pour parler de ces aventures que nous avons menées. Je suis aussi mal organisée qu'une étudiante en première année de thèse parce que hier je me suis retrouvée avec ça de notes et comme vous m'aviez imparti 30 minutes, c'était affreux. Donc je vous prie d'excuser le caractère très artisanal de ce que je fais circuler. Ça n'est certainement à publier sous aucun prétexte tel que c'est là parce que c'est vraiment du copier-coller avec du scotch et des ciseaux. Et Catherine qui a fait les photocopies. Voilà. Alors, j'ai décidé finalement d'intituler ça « À l'écoute de la vidéo militante, Guy Hennebelle, cinéma-action, film-action » et comme date 1974-2004. Alors, avant d'en arriver au vif de ces publications, je vais faire un peu comme les autres groupes qui se sont présentés, c'est-à-dire évoquer les expériences fondatrices. Et les expériences fondatrices se recoupent avec certains de plusieurs de ceux qui ont déjà pris la parole. J'ai daté ça de 1956 jusqu'à 1974. Alors, en 1956, en ce qui me concerne, j'ai découvert, j'ai découvert le cinéma grâce au programme d'année de la jeunesse étudiante catholique qui était très en pointe sur ces sujets-là, avec les livres de Henri Hagel. Et donc, je me suis occupée du ciné-club. La plupart d'entre les personnes qui ont parlé, on retrouve cette constante ciné-club qui est très importante. Et parallèlement, Guy, que je ne connaissais pas, faisait du scoutisme. Donc, il a été chef scout, ce qui explique peut-être pourquoi il a su manager un si grand nombre de personnes. Et ensuite, il a fait une école de journalisme en Belgique de 60 à 62. Et puis, il y a eu ce que j'appellerais le creuset algérien, qui est revenu à plusieurs reprises dans les interventions des uns et des autres. Hélène Lhult faisant sa classe, finissant son bac de 66 à 68, elle est plus jeune que nous. Marcel Moiroux ayant soutenu les Algériens pendant la guerre, ayant milité avec André Mandouze des années auparavant, enfin, etc. Bon, et puis naturellement, Yvonne et Michel, mais je n'en suis pas encore là. Donc, Guy est arrivé en octobre 62, c'est-à-dire juste après l'indépendance, pour faire son année de stage de son école de journalisme. Et donc, c'était dans le cadre des activités cinématographiques de l'archevêché d'Alger. Donc, il a écrit ses premiers articles dans les semaines religieuses, qui étaient de l'initiation au cinéma, mais il a aussi écrit à Alger Républicain, qui était le titre phare où Camus avait travaillé, etc., et qui avait été créé notamment par des communistes en Algérie. Et puis, il est revenu en France. Il a travaillé comme animateur à la FLEC, qui était la Fédération catholique de ciné-club. Il a écrit dans Télé-Ciné comme Jean-Paul Fargier, sous un pseudonyme. Et puis, il est revenu en Algérie en 65. Moi, j'étais partie en Algérie au titre de la coopération après l'agrégation en 64. Et j'ai enseigné, donc détachée du ministère d'Éducation nationale, de 64 à 68. Naturellement, je me suis occupée du ciné-club dans mon lycée. Et il y avait donc la Fédération des ciné-clubs algériens. Et donc l'un des responsables me dit, début 66, qu'un jeune réalisateur algérien voulait faire un film sur les lycéennes algériennes. Moi, j'avais lu Simone de Beauvoir, je travaillais beaucoup avec mes élèves sur la femme algérienne. Et donc, j'ai rencontré Ahmed Lalem et Guy, qui était critique à El Moudjahid, l'accompagnait. Il a été critique à El Moudjahid de 65 à 68. Donc, le film, elle, a d'abord été tourné dans mon lycée. Et puis, Guy et moi, on s'est mariés. Et puis, cette expérience du tournage de elle m'a vraiment préparé à, comment dire, à m'intéresser aux médias légers. Parce que c'était un tournage, enfin c'est un film qui est fort bien fait, mais les élèves avaient des propos très riches et le montage que l'ALEM a fait était très judicieux historiquement et socialement, mais il a tronqué la parole des élèves en la mettant en relation avec d'autres choses, etc. Donc c'est un film très intéressant, très bien fait, mais qui m'a définitivement donné envie de trouver un moyen pour que les jeunes s'expriment. Guy a suivi les débuts du cinéma algérien, du cinéma du tiers-monde, etc. Et puis la Cinémathèque française, la Cinémathèque algérienne, lapsus révélateur, dirigée à l'époque par Jean-Michel Arnold, avait un programme extrêmement riche. Donc avec Sébastien commence un travail justement sur tout ce que Guy a publié à cette période. Il y avait un ciné-club qui s'appelait Algérie-France, dont Michel a parlé donc à une dernière séance, et que Michel et Yvonne avaient créé en 65, rue Horace Vernet, qui était une salle prêtée par l'archevêché. Et donc c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et c'est là aussi où nous avons connu les Martinelli, qui travaillaient avec Yvonne et Michel. Yvonne et Michel s'étant connus au ciné-club d'Aubonne, donc on revenait à un ciné-club, enfin bref, voilà. Et donc, on peut dire que ça a été ce creuset algérien, le creuset d'amitié inoxydable. Nous sommes revenus en France en 68. Et Guy a été pigiste dans beaucoup de revues. Il a noué des amitiés solides au sein de Jeunes Cinémas, etc. Et puis, surtout, de l'Afrique littéraire et artistique, où Paulette Biarnès lui a permis de publier son premier livre sur le cinéma africain. Et nous avons découvert la vidéo, parce que les Lefèvres commençaient leurs expériences. Et puis Guy, qui pour une fois avait un emploi avec CDI à Jeune Afrique, a été un des leaders de la grève de Jeune Afrique, déclenchée en solidarité pour les ouvriers du livre qui étaient menacés de la suppression de leur imprimerie. Il a découvert là à quel point l'aristocratie ouvrière était quelque chose de puissant. Et donc, les grévistes se sont fait licencier sans indemnité, mais ça nous a permis de découvrir les Roussopoulos, puisque Carole et Paul filmaient donc la grève. Et donc, il y a une des bandes vidéo qui, j'espère, sera rénovée par la BNF, c'est la grève de Jeune Afrique. Donc voilà Guy qui est en train de parler. Par ailleurs, Guy participe à la fondation de la revue Écran, début 72, créée par des dissidents de la revue Cinéma, avec un couple qui a pris l'initiative très, très courageuse de créer une petite maison d'édition, La Talente, c'est Estelle et Henri Moret. Voilà. Et puis, en mai 72, le ciel nous tombe sur la tête. Notre fille avait 3 ans et demi, notre fils 18 jours, et Guy, le 15 mai 1972, s'est réveillé paralysé. Donc, c'était la poliomyélite. Et donc, il est resté un an à l'hôpital, et il a fait de la rééducation. Il a commencé à réapprendre à taper à la machine à écrire électrique. Il a commencé à préparer son livre 15 ans de cinéma mondial, et nous avons bénéficié d'une solidarité sans faille de la famille, de nos amis. Et voilà, il fallait que la vie continue. Alors, la vie a continué justement par le travail et les publications. Et Sébastien a évoqué la rubrique « La vie est à nous ». Qui a commencé donc en février 1974 dans Écran. Et donc Sébastien a retrouvé, semble-t-il, le premier article sur la vidéo qui était consacré à Budget 01. Et puis ensuite, en juillet, il y a eu un article sur le phare. Ensuite, en 1975, un article sur école, gare de triage, donc, que j'avais co-réalisé avec Marie-Thérèse Martinelli et un groupe de lycéens. Et bon, ça a continué comme ça jusqu'à la table ronde que vous avez évoquée à plusieurs reprises, qui était donc qui a été publiée en novembre 75. Je vous ai mis toutes les références sur le petit papier là, mais qui a été qui s'est réalisée, qui a été enregistrée en mars 75. Donc en mars 75, mon œil avait 2 mois. Et les groupes vidéo, quelques années déjà d'existence. Alors, Guy avait intitulé cette table ronde « À l'écoute de mon œil ». Donc, j'ai repris cela dans le titre de mon intervention, parce qu'il me semble que c'est ce qui a guidé notre démarche. Il n'était pas du tout, je veux dire, il n'a jamais fait de la vidéo... mais je pense qu'il a été quand même, et nous avons été à l'écoute de ce qui se faisait. Mais je veux dire, ni lui ni moi n'avons jamais écrit un papier spécifiquement dédié à la vidéo. On peut dire que c'est Yvonne et Michel qui ont été la voix de la vidéo dans Cinémaction et Filmaction. Mais Jean-Paul Fargier a écrit aussi plusieurs articles très amusants, généralement. Daniel Gégy aussi. Bon, enfin bref, tout le monde a un petit peu mis la main à la pâte. Ce qui me frappe dans cette table ronde sur laquelle j'ai pris une montagne de notes, mais je vous en ferai grâce, c'est simplement peut-être des oppositions qui sont apparues d'ailleurs à travers les interventions dans le séminaire entre la, disons, une démarche plutôt inspirée, par exemple, du cinéma direct québécois, avec le désir de ne pas trop monter les films, de laisser parler les gens. Et au contraire, une démarche qui est plus orientée vers un travail de réalisateur pour valoriser la parole des gens et lui permettre de circuler en dehors de diffusion accompagnée par le réalisateur. Face à mon monceau de notes, là, je me suis dit, je vais au moins faire œuvre utile. Je vais essayer de sortir de tout ce magma des références d'outils qui pourraient être utilisables pour la suite de votre travail. Alors, il me semble qu'un des premiers outils, mais que, me semble-t-il, vous avez déjà utilisé, c'est la grille d'analyse que Guy avait fixé pour la table ronde, ça se trouve page 36, donc les questions qu'il avait posées au collectif. Voilà, et donc je vais simplement, donc Jean-Paul, Michel et Daniel ont assez, Michel et Yvonne ont assez largement, et puis Daniel aussi, assez largement évoqué leur point de vue, Paul aussi. Je voudrais juste lire quelques lignes de l'intervention d'Hélène Châtelain, qu'on verra, je crois, dans la suite du séminaire, parce qu'elle évoque à la fois la nécessaire professionnalisation, d'une part, mais aussi les sacrifices, je ne lésine pas devant le mot, avec sa signification, sacrum facere, j'ai fait du latin, faire du sacré, voilà. Bon, alors, voici ce qu'elle dit. « La vidéo permet de faire naître un langage vivant. Or, pour trouver ce nouveau langage, il faut travailler sérieusement, passer beaucoup de temps. On en arrive donc rapidement à vouloir y consacrer le plus clair de ses activités. Moi, j'ai vécu le compartimentage qui consistait à travailler 8 heures dans un prise unique et 3 heures sur la vidéo. C'est terriblement difficile et fatigant. C'est en militante que je fais actuellement de la vidéo. Mon seul luxe, c'est donc le temps que je prends en choisissant de ne faire que ça. Ça implique l'acceptation de ne vivre que de peu. C'est le prix que je paie à la vidéo. » Et les uns et les autres, nous avons payé des prix assez élevés à nos activités militantes. Voilà. Enfin, ça, il faudrait en parler plus longuement. Alors, donc, la nouveauté dans cette table ronde, enfin, la nouveauté, non, puisque c'est la première, mais il y a l'intervention de Marcel Moiroux qui présente le catalogue et qui dit qu'en 2 mois, puisqu'ils ont démarré en janvier 75, ils ont reçu 60 demandes, et que la plus grosse demande, c'est les bandes sur les femmes. Et c'était l'année internationale de la femme, dont on a déjà parlé. Alors, en février 1975, Guy donc, publie ce qu'il a rédigé à l'hôpital, c'est-à-dire 15 ans de cinéma mondial. On peut dire que c'est un cadrage théorique, c'est notamment un cadrage théorique des analyses qu'il va faire sur le cinéma militant. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la critique de Hollywood et sur l'insurrection des écoles nationales, mais il y a toute une partie sur les nouvelles conceptions politiques du cinéma, où il évoque ce qui a été, j'allais dire, son livre de chevet. C'est le manifeste fondamental « Vers un troisième cinéma » de Fernando Solanas et Octavia Gettino, qui a été publié en 1969 dans « Tricontinental » numéro 3. Et il évoque dès ce livre le cinéma militant en 16 mm, Super 8 et vidéo, mettant sur le même plan les trois médias. Puis il publie donc en 1976 chez L'Herminier le cinéma militant, vous en avez parlé, je ne vais pas trop y revenir, sinon pour signaler un autre outil qui est le questionnaire qu'il avait donné au collectif qui se trouve page 33. Et donc, il a joint 20 collectifs. Là-dessus, il y en a 5 en vidéo, ce qui est pas mal. Donc ça, Sébastien en a parlé. Et puis, il y a aussi dedans... Alors, ce qu'on peut noter, si on compare avec la table ronde, c'est qu'il y a une évolution en un an qui est, je pense, due au développement de mon œil. C'est-à-dire que, par exemple, Vidéo 00, qui était assez réservée sur le montage, insiste sur la nécessité du montage pour permettre la circulation non accompagnée par les producteurs. Et c'est là où c'est Michel... C'est un peu annuancé, là. Bon, enfin, je pense que... Alors, vas-y. Et c'est d'autre part là où Michel calcule que pour une minute de bande, il faut 2 jours de travail. Ça, c'est, donc pour une bande de 30 minutes, il faut 60 jours. Alors, les interventions de vidéos out des sans-fleurs et de vidéa ne sont pas tellement différentes de ce qui a été dit dans le séminaire, donc j'en parlerai pas beaucoup. Il y a un texte de Jean-Paul Fargier qui est très amusant, qui s'appelle « Pour le dépérissement du cinéma militant », qui est un vigoureux pamphlet contre le cinéma militant, enfin chiant, didactique, terroriste, etc. Et il dit « Comme j'aimais la vie et le cinéma et les gens, je m'étais mis en douce et en vidéo à faire autre chose, exactement le contraire des recettes théoriques ». Bon, et puis, il y a aussi le catalogue des groupes. Alors, en 77, il y a les premières journées de Rennes, juin 77, où il y a notamment une table ronde sur les problèmes d'expression, où Yvonne et Paul Roussopoulos avaient le plus grand mal à se faire entendre parce que les ténors du 16 mm, Vautier, Polginski, Pitard, etc., occupaient tout l'espace de parole. Et bon, visiblement, la vidéo, ça ne les concernait pas trop. Bon, en mai 78, pour les journées de Rennes 78, mai 78, c'est le numéro 1 de Cinémaction, qui est un hors-série de la revue Écran 78, donc édition de La Talente. Et c'est dirigé par Robert Pro et Guy Hembel. Les rencontres de Rennes étant organisées par Robert Pro. René Vautier, Guy Hembel, donc avec l'hospitalité de Shérif Kaznadar qui dirigeait la Maison de la Culture de Rennes. Alors, nous rentrons dans notre période œcuménique où, pendant plusieurs années, nous avons toujours, quelques années, nous avons eu soin de mettre sur le même pied d'égalité. On a écrit « Éloge du montage audiovisuel », « Éloge du Super 8 » et « Éloge de la vidéo », bien entendu, écrit par Yvonne et Michel. Donc, Donc voilà, dans l'éditorial, je disais que... Enfin, je parlais des médias légers, de l'accompagnement des luttes, et je disais que ce serait intéressant quand même de creuser la notion de création collective qui était notre vulgate. Alors, en 79, nous avons, février 79, Libres Antennes, Écran Sauvage, dirigé par Jean-Claude Baboulin et Christian Boudan, donc numéro 17 de Autrement, nous avons continué notre politique du Bernard l'Ermite, comme disait Henri Dougier. Donc la partie que vous voyez, la troisième partie, là, s'appelait « Libérer l'expression et l'action, un bouillonnement d'expérience ». Et c'était réuni par l'équipe Cinémaction, donc 18 personnes, où nous disions, dans un texte naturellement collectif, mais signé de ces 18, que nous ne voulons pas seulement nous servir de l'audiovisuel pour nous exprimer et communiquer, mais pour agir et pour créer. Et nous affirmions, nous ne sommes pas des médiateurs transparents. Et puis, il y a un article important d'Yvonne et Michel qui est intitulé « Deux scénarios politiques » qui, en fait, a été écrit en 78, qui sera repris dans « Cinéma et politique ». Donc là, ils reprennent l'évaluation du temps de travail en parlant des quatre bandes sur commune, le temps de l'autogestion, qui ont nécessité 200 jours de travail, 5 personnes, donc pour un total de 130 minutes en quatre bandes. Ils évoquent aussi l'évolution du matériel et... Il rappelle que la vidéo a suivi pratiquement tous les mouvements sociaux novateurs de ces dernières années, en précédant le plus souvent le cinéma. Et puis, ils évoquent leurs deux scénarios. Donc, premier scénario, la société libérale continue d'avancer. La gauche est bloquée, laisse les grandes sociétés comme Hachette s'emparer du monopole de l'édition audiovisuelle. Deuxième scénario, optimiste. On arriverait grâce à la coalition des forces progressistes, à une socialisation des moyens de communication audiovisuelle. Alors, en automne 79, numéro 9, le cinéma au féminisme, Cinémaction devient une revue indépendante qui est éditée par la maison Papyrus, donc, qui est créée par des Libanais à Paris. Hassan Fawaz et sa femme. Nous étions diffusés en kiosque. C'était, bon, très... une expérience très, très étrange de fouiller dans le kiosque et de demander au kiosquier s'il avait notre... Alors, ils ouvraient des yeux comme des soucoupes. Et là, nous avons découvert les méfaits de la pieuvre verte, comme on appelait à l'époque les NMPP. Les kiosquiers n'en avaient rien à faire d'un petit truc comme ça. Bon... Donc, je l'ai dirigé. Il y a un tas de gens là qui ont beaucoup aidé à faire ce travail. Il y avait notamment les théoriciennes anglo-saxonnes qui étaient publiées pour la première fois en France. Et puis, par exemple, une interview de Daniel Gégy, un article de Dominique Barbier, Josiane Jouet, Louise Vandelac sur la bande à notre... à notre santé. Un article d'Yvonne important sur l'appropriation de la technique vidéo par les femmes. Et puis, puisque nous en sommes... Yvonne disait que la technique vidéo était plus abordable pour les femmes qui avaient du retard en termes technologiques. Elle distinguait les groupes mixtes et les groupes de femmes, comme on pourra le voir plus tard. Et puis, elle disait que la parole recueillie était fluide, proche du quotidien, que les contradictions y abondaient, mais que ça n'empêchait pas que les connaissances théoriques et techniques solides étaient indispensables. Et puis alors, puisque j'ai décidé de parler des outils, il y a l'outil catalogue, qui a nécessité le travail de 13 femmes et 2 hommes. Peut-être qu'on dira leur nom quand on parlera de la vidéo féministe. Mais en tout cas, il y avait parmi elles Yvonne, bien sûr, Bénédicte de la Salle, Martine Encoignard, bon, etc., Catherine Arnaud, bon, Charlotte Silvera, etc. Bon, il y a une rubrique qui est intitulée « Films féministes » qui se trouve, pages 184 à 191, qui recense 141 films, et sur ces 141 films, il y a 51 vidéos. Donc, voilà, c'est facile à trouver. Alors, en 80, deuxième trimestre 80, cinéma et politique, de la politique des auteurs au cinéma d'intervention, c'est donc la compilation de trois années de Rennes, donc Rennes 77, 78, 79. Et je vais insister essentiellement sur un important article de Marcel Moiroux qui fait 20 pages et qu'il a écrit, j'ai fait une petite datation, d'après moi, en automne 78, d'après les références qu'il indique dans son article. Alors, il évoque les potentialités techniques de la vidéo, mais ça, bon, tout le monde en a parlé. Je vais simplement insister sur quelque chose qui serait une dimension à creuser. Elle permet de mettre en circulation un nombre important de copies très rapidement, sans coût trop élevé et si nécessaire seulement pour la période limitée. Bon, et surtout, il évoque les différentes utilisations, c'est-à-dire donc la diffusion, soit en cours de réalisation, donc ça a été souvent évoqué dans le séminaire, en particulier par Marie-Thérèse Martinelli qui parlait de cinétract, et puis quand même des diffusions ultérieures qui incitent le public à parler de ses propres problèmes. Il prenait l'exemple de la bande des prostituées de Lyon, donc 75, où quand c'est fait par le canal de Mon Œil, c'est-à-dire sans l'intervention de Carole, et de Paul, le public ne parle pas de l'action des prostituées, mais discute des relations entre sexes, les couples, le milieu professionnel, les syndicats, etc. Et puis, il fait une petite typologie des filmeurs et filmés. Le filmeur étant soit en position extérieure, mais d'accord avec les luttes qu'il filme, ou en position intégrée, comme par exemple dans la bande Accouche, qui est évoquée dans les cahiers du cinéma septembre 78 par Anne Faisandier. Et c'est là où il dit « La projection d'images brutes ne convient guère qu'à des utilisations locales et à court terme, une diffusion élargie requérant très généralement un montage ». Alors, toujours 1980, cinéma d'avant-garde, expérimental et militant. Donc là, il y a un article de Guy Hennebelle, La traversée de la mer Rouge, une liste des collectifs militants, et un article assez critique, Les paradoxes de la vidéo, de Jean-Paul Cassagnac. Et puis, automne 80, un numéro très mal fait plastiquement, mais avec des photos toutes noires, c'était une horreur, qui s'appelait Cinéma des régions, numéro 12, et où il y a celui-là, oui, voilà. Donc, où il y aurait beaucoup à explorer tous les catalogues foisonnants dans chaque partie. Mais simplement, ce qui m'a frappé en le regardant à nouveau, c'est que plusieurs de nos estimés et très chers collaborateurs n'étaient pas du tout sensibles à la vidéo, donc n'ont pas du tout cherché à creuser cet aspect-là. Ça, je pense que c'est une de nos grosses carences. Disons que l'aspect vidéo en région a été moins fouillé que vidéo en région parisienne. Alors, il y a quand même une évocation de l'Alsace, du Nord, avec toute l'activité de Rexquise, l'évocation du Val à Béziers, RL, ADP à Lyon, Annecy Action Culturelle, etc. Mais il n'y a pas d'article de fond sur la vidéo. Cinéma contre racisme, 1981, un hors-série à nouveau improbable avec qui est supplément de la revue Tumulte, où il y a un catalogue de 300 films fait par Myrna Figueroa sur l'immigration, où on trouve une partie des vidéos notamment sur l'immigration, notamment réalisées par Vidéo 00 avec Anne Couteau sur les enfants immigrés, et les adolescents immigrés. Yvonne a fait un article là-dessus. Moi, j'ai fait un article sur la deuxième génération, de la mise en image à la prise de parole, où je traite indifféremment de films et vidéos. Alors, nous en arrivons à notre pièce maîtresse, qui malheureusement a été unique. C'est, pas unique, il y a eu deux numéros de films action. Donc, Guy, qui adorait jongler avec les projets, les formats, les diffuseurs et tout. J'ai oublié de vous dire que Cinémaction n'était plus diffusé en kiosque depuis que nous étions passés à l'Harmattan en 80. Voilà. Et donc, à partir de 83, nous avons été édités par le CERF et là, nous étions diffusés par les éditions du CERF. Je reviens en arrière, et imprimé depuis l'Harmattan, c'est-à-dire fin 80, par Charles Corlet, qui nous imprime et nous édite toujours. Alors, donc, ça, c'est le numéro 1 de Film Action, donc réuni par Yvonne Mignot-Lefebvre, avec l'aide de Michel, de Vidéo 00 et de l'A7, qui est donc la coopérative qu'ils ont créée. Donc, il y a une belle pub pour Informel. Il y a beaucoup d'expériences mondiales de vidéos qui sont évoquées. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Mais je vous mentionne simplement, pour vous mettre l'eau à la bouche, les pays qui sont mentionnés. Donc, il y a le Québec et le Canada, les États-Unis, la Belgique, l'Italie, la Hollande, l'Allemagne fédérale et l'Australie. Alors, juste deux mots pour le Québec. Il y a deux articles très intéressants. Un de Hélène Bourgault, qui était une vidéaste de la première heure, qui évoque les débuts du vidéographe dans les années 70, jusque vers 76 à peu près. Et puis, une interview de Michel Sénécal, donc, qui a dû être faite vers 80, qui interviewe trois membres du CA, et là, le vidéographe est en triste position parce que les subventions sont coupées et donc ils sont en train de restreindre leur politique de large accès. Bon, alors, je vais simplement reprendre quelques extraits de l'éditorial d'Yvonne et de l'article de Michel Lefebvre en ouverture. Alors, Yvonne dit: dans tous les pays, c'est le même enjeu d'amorcer une communication rapprochée, horizontale, de former les citoyens aux nouveaux outils et de permettre l'expression de groupes jusqu'ici exclus des moyens de communication de masse. Et Michel, dans Les nouvelles technologies vidéo, écrit: nous assistons à la mise en place d'un réseau extrêmement dense, mêlant étroitement la télévision, la vidéo, l'informatique et le téléphone. Bon, il est ingénieur et je pense qu'il n'y avait pas une masse de gens au début des années 80 qui étaient conscients de cette mise en synergie à venir. Et donc, il conclut sur la nécessité d'informer et d'éduquer le public. Alors, il y a eu des articles de Daniel Gégy, de Danne-Marie Duguay, de Jean-Paul Fargier, de Daniel Bégard et Michel Guéraud. Et puis un article de Marcel Moiroux qui est très pessimiste parce que... non, pas encore pessimiste. Non. Il fait une typologie des utilisateurs, institutions culturelles, associations, hôpitaux, écoles, syndicats, partis et mouvements sociaux. Alors, j'ai dit que j'allais axer sur les outils. Alors, parmi les outils, il y a un glossaire qui est très bien fait, page 18, pour que les jeunes générations se repèrent dans vidéo, demi-pouce et tout ça. Il y a l'adresse des collectifs français, qui sont 35. Et puis, les dates étincelles d'un courant alternatif, l'audiovisuel indépendant, pages 126 et 127, pour la suite du travail. Bon, je n'en suis qu'en 82, mais... Bon. Alors, l'année prochaine, donc je n'en parlerai pas, mais je crois qu'on va parler de la vidéo par les jeunes, que j'ai réuni avec Françoise Fontenelle, et nous avons ramassé 200 réponses d'animateurs qui avaient répondu par des fiches très détaillées pour dire qui fait quoi entre les adultes et les jeunes. Nous avons donc 297 fiches et là-dessus, il y en a, je crois, 66 en vidéo. Voilà. Donc, j'ai fait ma thèse là-dessus. Et bon, là encore, il y a des outils possibles pour la suite du travail, comme le questionnaire. Bon. Alors, nous en arrivons à la fin, c'est-à-dire le cinéma militant reprend le travail, ou peut-être Sébastien voudra dire quelques mots. C'est donc à cette occasion que j'ai eu le plaisir d'abord de connaître Sébastien, puis Hélène, puis Alain Carou. Et c'est donc un numéro qui a été dirigé par Guy Gauthier, avec l'aide de Thomas Heller, Sébastien Laïerle et moi, qui est édité donc par Corlette et Lerama, qui a été publié en janvier 2004, mais Guy avait suivi l'élaboration de ce numéro. Et c'est là que se trouve son dernier article sur le cinéma, où il évoque l'heure des brasiers, et où il dit « si ce n'est pas l'heure des brasiers, c'est peut-être celle de la reprise ». Alors Yvonne a fait un bel article dédié à Chris Marker, qui s'appelle « Vidéo in memory ». Ce qui est intéressant, c'est qu'elle mène toute une réflexion sur ces bandes qu'elle pense perdues ou irrémédiablement abîmées. Donc, grâce à la BNF, voilà, Yvonne pourra retrouver ces bandes et nous pourrons en profiter. Elle souligne d'ailleurs l'évolution pour continuer vers la professionnalisation. Jean-Paul écrit un article très amusant, L'action cathodique, autobiographie, où il dit que sa maman militait dans l'action catholique et que son rejeton a opté pour l'action cathodique. Et voilà, j'en viens à la filmographie. Non, je voudrais quand même dire un mot de l'article que j'avais écrit, des images du travail partisane et irremplaçable, parce que dans ma conclusion, où j'évoquais la tristesse de la crise, j'évoquais des pistes pour en sortir, qui étaient la formation, les initiatives locales et la création d'emplois, et dedans, c'était uniquement des groupes vidéo, c'est-à-dire RL, avec leur travail sur les coopératives de femmes, Vidéo 00, etc. Et ce sont des cas qui ont débouché sur la création d'emplois. Alors, dernière chose, donc, mais ça peut-être que Sébastien, tu aimeras en parler, sur la superbe filmographie que tu as faite tout seul, à la différence du catalogue sur le féminisme. Oui, disons que le travail de pour faire vite, hein, le travail de filmographie s'est beaucoup appuyé justement sur tout ce que tu as évoqué antérieurement. C'est tout le travail de filmographie qui a été mené dès le début, au fond, dès le numéro de cinéma d'aujourd'hui. Donc le point de départ a été cette compilation de l'ensemble de ces titres, l'importance aussi des répertoires et des contacts qui a permis justement de pouvoir dresser la carte des films, à la fois des films qu'on avait pu identifier, retrouver, qui n'étaient pas encore forcément sauvegardés, c'est l'étape d'aujourd'hui, mais également les films qui étaient perdus, d'une certaine manière, considérés comme perdus. Mais on sait que peut-être un film n'est pas tout à fait perdu, donc... On était parti sur l'idée d'avoir une filmographie, un catalogue assez exhaustif sur une thématique. La thématique était le travail et de proposer un état des lieux en 2004. Voilà. Donc le travail a été un travail très empirique au fond dans le travail à fois de compilation et de recherche, mais des contacts finalement ont été noués, montrant d'une certaine manière qu'il restait encore des traces de cette production militante. Et ce qu'on avait fait également, c'était de tenter aussi de bien différencier, donc à cette occasion-là, les supports argentiques et les supports vidéo. Voilà, donc c'est un outil formidable, puisque tu avais eu l'idée de séparer la vidéo du support argentique. Donc outil, page 299 à 308. Et ça, pour le coup, c'est disponible facilement. Et dans la quatrième feuille, vous avez les références exactes de Cinémaction aujourd'hui, puisque ça continue avec Françoise Puot, conseillère éditoriale, toujours la fidélité de Charles Corlet, et des amis Verrier au niveau de l'association, le CERF qui diffuse et la Sodis Gallimard qui distribue. Donc c'est très fragile, mais il y a une espèce de fidélité, de continuité, bon, qui peut-être sera brisée parce que l'édition rentre quand même dans une période de vache très très très maigre. Hein. Voilà. Alors, juste dernier point, les cinémas nationaux contre Hollywood. Donc c'est la réédition après la mort de Guy en septembre avec une photo de Jean Verrier, président de l'association. Donc c'est la réédition du livre de Guy, mais avec une grosse introduction de Guy Gauthier, qui est par ailleurs l'auteur d'un livre sur la vidéo-animation, et une notice biographique que j'ai faite, et puis des notices biographiques qui ont été faites par un de nos complices qui ne veut pas que je dévoile son pseudo, enfin que je dévoile son identité. Donc c'est par Mario Ramon, et c'est à partir de son travail que j'ai travaillé moi-même. Voilà. J'ai débordé, hein.